Pareil qu'un dicton qui dit jamais 203. Le retour se faisait sentir, prévient tout le 53. Je viens faire une croix sur ce qui s'est passé dans le passé. Le micro c'est comme ma femme, impossible de m'en passer. Ton avis je m'en passerai, tu peux garder ta salive. J'entends déjà les focus se demander ce qui m'arrive. Les gens me font marrer, veulent prendre la place du calife. L'album il est gratuit, demande pas c'est quoi le tarif. Parce que tu parais que je suis un taré, qu'il faut songer à m'interner. Qu'à force d'écrire après minuit j'ai tout le temps les yeux cernés. Fallait me prendre au sérieux, quand je rappe plus qui s'insère. Je reviens et c'est bien mieux que l'époque de Cassosferme. Dans mes yeux c'est l'étincelle, avec ou sans potentiel. Chez moi la rime est essentielle, fait même office d'arc-en-ciel. Et comme le temps est couvert, bah je reviens encore une fois. Car j'ai découvert que la meilleure des armes c'était la voix. Je peux m'appeler la deuxième vague ou bien alors Nagasaki. Je suis celui qu'on n'attend pas, celui qu'on ne peut pas saquer. Je fais un retour frappant comme Zizou en 2006. Tu peux appeler ça un album, moi j'appelle ça un missile. Mais qu'est-ce que tu croyais que j'allais abandonner? Que je raccrocherais le micro après lui avoir tant donné? Non, t'as perdu, hier moi ça perdure. Ouais c'est certain que moi personne ne me perturbe. On peut m'appeler le parasite car j'viens foutre le bazar. Le seul MC qui part ici n'est pas venu là par hasard. Je fais de l'ombre aux autres rappeurs, dans le rap j'suis un parasol. J'ai l'air de faire de la musique sans faire Do Ré Mi Fa Sol. C'est le retour du général, tout le monde en garde à vous. Tu veux de l'original, écoute ce son et puis savoure. Et comme c'est l'heure de vérité, bah je reviens encore une fois. Car c'est en prenant le stylo qu'on se met dans la bonne voie. Yeah, yeah. Le seul MC qui n'est pas venu là par hasard. Allez dire aux parasites que je suis toujours parasasié. C'est l'heure de vérité, l'heure de vérité. Coupe par moi qui tu veux, mais au fond je m'en balance. Rien à foutre de la tendance.